Dans les champs, le grand air. À la ville, un voleur qui m'habille l'hiver. Dans mon âme, l'oubli des prospérités mortes. Et devant vos palais, monsieur, de larges portes, où je puis à midi, sans souci du réveil, dormir la tête à l'ombre et les pieds au soleil. Adieu donc. De nous deux, Dieu sait quel est le juste. Avec les gens de cour, vos pareils, dont sa luste je vous laisse, et je reste avec mes chenapans. Je vis avec les loups, non avec les serpents. Un instant. Tenez, maître, abrégeons la visite. Si c'est pour m'envoyer en prison, faites vite. Allons. Je vous croyais, César, plus endurci. L'épreuve vous est bonne et vous a réussi. Je suis content de vous. Votre main, je vous prie. Comment ? Je n'ai parlé que par plaisanterie. Tout ce que j'ai dit là, c'est pour vous éprouver, rien de plus. Ça, debout, vous me faites rêver. La femme, le complot, cette vengeance... L'heure, imagination, chimère. À la bonne heure, et l'offre de payer mes dettes. Vision, et les 500 ducats. Imagination. Je vais vous les chercher. Visage de traître. Quand la bouche dit oui, le regard dit peut-être. Ruy Blas, restez ici. Je reviens.